Un micro-ouvert assez sympathique quand même. C'est l'idée de deux filles qui partent de Maastricht et qui passent par la Belgique et qui leur but en fait c'est d'aller à Paris. Donc c'est deux filles qui sont à l'université qui se connaissent pas spécialement là. Hein, les deux filles là, elles se connaissent pas spécialement. Ça fait quelques jours qu'elles sont ensemble uniquement. Elles débarquent. Chez le micro ouvert là et on fait un feu et on discute et improvisation. Allez, on discuterait bien toi Jeanne qui vient de Russie puis qui habite aux États-Unis puis qui va faire tes études à Maastricht et toi Jeanne qui vient de Pologne pour habiter en Danemark qui va faire vos études à Maastricht. Allez, racontez-moi un petit peu le monde avec vos yeux quoi. Voilà, et c'est un micro improvisé. Mais avant 1977. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà. C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production. Rigolade, hein. Il faut maintenant parler de choses sérieuses, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, le bonheur de vivre, la qualité de la vie, la joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux, voilà ce qui compte. Tout le reste, la production du sol, on s'en fout. Mais comment vous concevez la qualité de la vie? La qualité de la vie, c'est ça, c'est le bonheur des gens, c'est-à-dire le sourire. La disponibilité. Mais promenez-vous à Paris et ouvrez les yeux. Oh. Vous n'avez que des gueules fermées, les gens regardent la pointe de leurs chaussures. Vous croyez que c'est ça le bonheur? C'est ça que nous a apporté la civilisation d'aujourd'hui. Il faut changer les raisons d'être. Au lieu de chercher toujours à produire plus en quantité, il faut produire plus en qualité. C'est ça la seule, c'est ça le fond du problème. Pourquoi est-ce qu'on les oblige à courir? Pourquoi est-ce qu'on les oblige à prendre une voiture quand ils viennent et à rester le matin sur l'autoroute pendant 2 heures, par choc contre par choc? Quand ils arrivent, ils sont furieux, ils rentrent chez eux, ils font des taloches au môme, etc. C'est vraiment ridicule. Alors qu'avant, mais il n'y a pas longtemps, je me rappelle quand j'étais gosse, que j'allais en classe, je bavardais avec les épiciers, avec la crémière, etc. Ils avaient le temps. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Il faut qu'ils remplissent des fiches. Il faut qu'ils fassent leur comptabilité. Il faut qu'ils paient leur tiers provisionnel. Il faut qu'ils s'occupent de la sécurité sociale. Leur môme se fout. Il faut qu'ils aillent se défendre auprès du proviseur parce qu'on les classe maintenant, dès qu'ils sont en tendance tout petits, dans des catégories, comme si on pouvait classer les hommes dans des catégories. Voilà dans les excès dans lesquels on est tombé. C'est grotesque. La sagesse nous conduit donc à réfléchir. La sagesse nous conduit à simplifier. Plutôt la lucidité. À simplifier notre vie, à la simplifier, à la dépouiller des inutilités. Alors, il faut le dire. Et c'est la chance que nous avons, c'est de pouvoir suivre d'une façon évidente les dégâts de la qualité de la vie qui se propage aujourd'hui. On s'écoute un petit 20 minutes sur la réforme des retraites en France. Vraiment intéressant parce que ça décortique la mécanique. C'est une grande réforme qui doit permettre la création d'un système universel, plus juste, plus solide, plus adapté aussi au monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il est susceptible d'évoluer. Édouard Philippe. L'objectif de cette réunion, c'est de pouvoir discuter avec l'ensemble des membres du gouvernement, rappeler les fondements, les éléments essentiels de la réforme, voir comment est-ce qu'on peut encore l'améliorer. 1er décembre 2019. C'est aussi d'essayer d'accompagner les Français dans cette période de discussion et peut-être aussi de journées d'action sociale qui se préparent. Nous sommes le 4 décembre et demain, c'est le début de la grande bataille pour les retraites. Salut Gérard Filoche. Bonjour. Alors, les retraites, on en parle partout en ce moment. J'en parlais avec ma tata dépolitisée la dernière fois et elle n'avait pas les arguments pour s'opposer aux arguments de bon sens, soi-disant qu'on entend partout à la télé, du type on n'a pas assez d'argent, du type il faut travailler plus, du type il faut une réforme juste universelle. Alors je te propose, Gérard, que en cette veille de grande bataille, on se résume les principaux arguments et qu'on se fasse une petite fiche de révision pour démontrer que nous avons bien raison de nous révolter. Volontiers, allons-y. Alors, commençons par le premier, le plus évident. On entend beaucoup les membres du gouvernement nous dire que c'est pour faire une réforme universelle, juste en finir avec les 42 régimes spéciaux. un système cloisonné. Bruno Le Maire. Retraite par retraite, profession par profession. 2 décembre 2019. Caisse par caisse, celui qu'on a construit depuis 1945. En empilant la complexité, en empilant les caisses, 42 régimes aujourd'hui, c'est un système qui ne tient plus la route. Ce que je veux dire, Agnès Buzyn, c'est que les Français doivent quand même réaliser que ce sont 21 novembre 2019. Aujourd'hui des syndicats qui défendent des régimes spéciaux extrêmement déficitaires, qui sont payés par nos impôts, et donc ce sont des revendications très corporatistes. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la réforme et qui juste ne veulent pas d'une réforme parce qu'ils ne veulent pas la disparition d'un régime extrêmement avantageux. Vous pensez que les cheminots ne connaissent pas la réforme ? Non, ils ne veulent même pas d'une réforme par point. Ils ne veulent pas de réforme qui vise à l'universalité, c'est-à-dire au fait que tous les Français soient traités pareil. Les 42 régimes, ils sont pas spéciaux, j'aime pas le mot spécial, ce sont des conventions collectives, c'est-à-dire ce sont des accords négociés, branche par branche, métier par métier, pour compenser des nuisances, des souffrances particulières au travail. Alors il dit, il y en a 42 qui sont conventions collectives. Alors moi j'ai regardé en détail, la Comédie Française, 350 personnes. L'Opéra de Paris, 1850 personnes. Les mineurs qui vivent encore, 3150 personnes. Les cheminots, 142 000. Dans le temps, ils étaient 300 000, je sais. Même qu'à l'époque, ils cotisaient pour les autres. Et maintenant, comme ils sont plus que 142 000, il faut les aider un peu, puisqu'il reste encore des vieux cheminots. On ne va pas les mettre à la rue. Hein. Et puis, alors, les RATP, c'est drôle, ils sont que 42 000. Il y a moins que les clercs de notaire. Tout le monde s'en prend au RATP, pas aux clercs de notaire. C'est étonnant, non? Alors, ensuite, après, vous avez le port autonome de Strasbourg. Et le port autonome de Bordeaux. Allez donc me chercher les 100 personnes dans chaque cas. Enfin, je vous énumère tout ça parce que après, vous avez pratiquement 420 000 personnes concernées aujourd'hui en retraite dans ces régimes sur 17 millions de salariés. Ça vaut la peine que le gouvernement s'en occupe, hein, c'est prioritaire. C'est bien ça qui est le plus essentiel. C'est pas les 17 millions d'autres, c'est bien les 420 000. Ça ressemble pas à une manipulation de parler que de ça. Hein. Donc c'est ça, en fait, tu nous as énuméré plusieurs régimes spéciaux pour démontrer qu'en fait, même s'ils appuient quasiment tout leur argumentaire là-dessus, ça concerne très peu de monde. Alors, vous prenez plusieurs chiffres. Si c'est les retraités actuels, c'est 1,7%. Si c'est la part des salariés, c'est 3,7%. 3,7% de la part des salariés sont sujets à un régime spécial, comme ils disent. Une convention collective particulière. Et moi, je me plains qu'il n'y ait pas assez de conventions collectives particulières. Je vais prendre celle des égoutiers. Les égoutiers de Paris sont 250. Alors, vous savez, c'est des gars, ils portent un masque tout le temps parce qu'il y a de l'hydrogène sulfuré, et puis c'est mortel. Et sinon, vous avez du monoxyde de carbone. Et leur espérance de vie est à peu près 58 ans. Donc ils avaient un régime convention collective qui les faisait partir à 50 ans. Quand on meurt à 58, partir à 50 ans, c'est assez légitime. Mais il y a déjà des salauds, il y a quelques années, qui ont dit ils ont un régime trop avantageux, alors ils les ont mis à 52 ans. Et bien maintenant, ils veulent les mettre à 62 ans. Ils mourront avant d'avoir connu la retraite. Mais moi, je trouve que s'il veut un régime universel, Macron, c'est de les mettre tous à 50 ans, parce qu'ils n'auront finalement que mérite, et c'est légitime qu'il en soit ainsi. Mais non, lui, c'est mettre tout le monde à 62 ans. En fait, il veut qu'on meure au boulot, et non pas, ça fera toujours moins cher pour la retraite. Donc là, avec les quelques chiffres que tu nous as donnés, on comprend tout de suite que ça concerne très peu de monde. Je vais en donner un autre qui est quand même assez parlant. Le système de retraite, au total, c'est plus de 300 milliards d'euros. Les régimes spéciaux, ça coûte 8 milliards. Oui, et puis avec des compensations dont il faut tenir compte. Je le répète, les cheminots ont cotisé pour les autres très longtemps parce qu'ils étaient plus nombreux. Et maintenant, si c'est normal de les aider, les mineurs aussi avaient une caisse tout à fait particulière. Oui, les caisses se compensent l'une l'autre. Oui, donc elles se sont compensées, c'est de la mutualité. Les gens, ils disent, il me prend dans mon assiette. Oh, non, c'est plutôt l'inverse. Ils ont d'abord abreuvé ton assiette. Et maintenant, si tu mets un petit peu de soupe dans la leur, c'est pas ça qui va faire du beurre en moins dans la tienne. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Et toi qui es un ancien inspecteur du travail, tu peux nous confirmer qu'ils sont justifiés ces régimes spéciaux. On ne peut pas travailler aussi longtemps quand on est égoutier ou quand on est universitaire. Évidemment, l'espérance de vie entre les plus riches en gros et les plus pauvres, c'est une différence de 13 ans. Entre le cadre et l'ouvrier, on dit que c'est 7 ans. Donc en vérité, il est normal qu'il y ait des compensations et il n'y a pas que les égoutiers, les éboueurs, la pénibilité est dans beaucoup, beaucoup de métiers. C'est pour ça que moi, ces régimes, je suis pour les étendre. Je veux plus de régimes normaux comme ça. Donc faire un système universel, en fait, oui, c'est injuste. C'est injuste parce que c'est supprimer ce qui corrigeait les inégalités. Donc c'est revenir aux inégalités. Et si on doit rapprocher les uns et les autres, c'est en faisant que, pour les infirmières, on revienne vraiment avant 60 ans. Vous avez déjà vu une infirmière mettre ses lunettes pour chercher la veine sur votre bras ? Vous avez déjà vu l'instituteur de 62 ans qui fait sa 40e rentrée en septembre autour de ses gamins de 11 ans? Vous avez déjà vu le gars dans le bâtiment qui peut pas prendre sa retraite à 55 ans alors que ça devrait être la règle dans tout le bâtiment et qui doit avoir un régime tout à fait spécifique pour avoir 55 ans? Vous avez déjà vu les gens qui sont en déplacement permanent, les routiers, pour qu'ils partent plus tôt parce que sinon ils sont jamais chez eux et ils meurent avant d'avoir vu leurs enfants grandir? Et puis vous voulez que j'énumère tous les métiers pénibles? Je l'ai fait dans plein d'articles et je les ai vus toute ma vie comme inspecteur du travail. Ils sont pas assez bien traités, pas assez bien payés. Passons maintenant à un autre argument qui est présenté comme un argument de bon sens. De toute façon, Gérard, le système de retraite va dans le mur, on n'a pas de quoi le financer, il faut réformer, on n'a pas le choix. La question se pose aux Français. Gérald Darmanin. Si vous souhaitez qu'on réindexe les retraites, si vous souhaitez que l'on finance la dépendance, si vous souhaitez peut-être demain encore plus de baisses d'impôts... 3 février 2019. Il n'y a pas beaucoup de solutions, soit on creuse le déficit et la dette, ça nous y refusons. En tout cas, ce ne sera pas avec ce gouvernement actuel, parce que la dette d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Ou alors, on travaille plus longtemps. Dans le cadre de cette réforme, il y a un rapport qui a été remis par le COR. Emmanuel Macron. Donc la commission d'orientation des retraites, qui a montré que cette réforme, contrairement à ce que le même... 22 novembre 2019. ...comité d'experts écrivait au moment où j'ai pris mes engagements dans la présidentielle. Le même COR, au début de l'année 2017, dit pas de problème de financement. Il rend un rapport au Premier ministre. Hier... Et il dit qu'il manque 8 à 12 milliards. Est-ce qu'on peut dire c'est compliqué, c'est difficile, on met le rapport à la poubelle? Est-ce qu'on serait sérieux? Parfois ça a été fait. Quelqu'un paye à la fin. Si c'est pas nous, ce seront nos enfants. Macron a changé d'avis, hein, je savais pas. Mais il faut savoir. Parce que si le chef il vous dit il n'y a pas de problème financier, et puis après vous dites si, si, il y a un trou, j'ai trouvé, il y a un trou là, dans la sécu, là, dans la protection sociale et dans les retraites, il faut nous dire pourquoi. Parce que la vérité, c'est qu'il y a fait longtemps qu'il n'y a plus de trou de la Sécu. Ce budget n'a pas de trou, je veux le dire mille fois. Alors Macron a quand même inventé quelque chose pour se contredire sans se contredire, tout en se contredisant. Il a décidé qu'il allait prendre dans la caisse des retraites et de tous les régimes de protection, et qu'il ne le remettrait plus. Dans le temps, la loi l'obligeait, s'il prenait un peu d'exonération de cotisation, ça l'obligeait à le remettre. Ça, c'est la dernière émission qu'on a fait ensemble où on expliquait que les mesures gilets jaunes allaient être payées par les caisses de cotisation et pas compensées, alors qu'avant, ils étaient obligés de compenser. Et voilà, donc ils ne compensent plus. Alors maintenant, ils ont fait un petit calcul, ils ont retiré une addition, puis ils ont dit c'est 17 milliards, d'autres ont dit c'est 11 milliards. Mais vous savez, c'est toujours sur 800 milliards. Hein. C'est-à-dire, quand on gère quelque chose de cette masse-là, c'est epsilon, c'est rien. Donc en fait, c'est pour faire du buzz. C'est pour essayer de semer le trouble dans la tête des gens en disant « Vous allez avoir peur pour vos retraites, hein. Mais n'ayez pas peur, elles sont équilibrées, nos retraites. Parce qu'elles sont basées sur le travail. Et tant qu'il y a des travailleurs, il y aura des bons retraités. À moins qu'on détache la retraite du travail. » Mais alors justement, pour appuyer ton argument, non seulement les caisses sont équilibrées, mais en plus on a des réserves faramineuses. J'ai dressé une petite liste là avant de venir te voir. La caisse de retraite des salariés du privé, AGIRC ARCO. Bon, moi ça c'est des acronymes, je comprends pas tout, mais bon, c'est la caisse de retraite du privé. C'est les cadres. Voilà, c'est ça. Elle a 80 milliards de réserves. Les professions libérales, c'est les avocats, etc. 24 milliards de réserves. Les indépendants, 17 milliards de réserves. Les contractuels de la fonction publique, 8,5 milliards de réserves. Et le fonds de réserve pour les retraites, 30 milliards. En tout, on a un pactole de 150 milliards d'euros pour assurer au cas où il y aurait des trous, sachant qu'il n'y en a pas. Oui, ils sont gonflés, hein. Ils mentent, effectivement, il y a de l'argent. Il y a même plein d'argent. Jamais la France n'a été aussi riche. Et alors, ils mentent là-dessus. Mais même, je vais vous dire quelque chose. Même s'il n'y avait pas toutes ces réserves, ces possibilités, la question des retraites n'est pas difficile à régler en matière financière. Si vous avez un problème pour les retraites en 2060, vous pouvez régler en 2059. Pourquoi ? Pas parce que vous n'avez qu'à ajuster les cotisations. C'est les cotisations sur le salaire. Si en 2060 vous avez une difficulté, en 2059 vous augmentez la cotisation de 0,01% ou 0,02% selon le calcul que vous avez fait pour honorer la prestation. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut honorer la prestation en ajustant les cotisations. Alors que eux, ils bloquent les cotisations pour pouvoir faire baisser la prestation. Ils ajustent en baissant les allocations. Voilà. En fait. Et donc en vérité, en 2060, tout se passera bien si vous ajustez en 50 ans. Et imaginez, en 2060, il y a une catastrophe, une pandémie. Il y a 20 millions de morts pour une grippe espagnole. Et ça frappe d'abord les personnes âgées, etc. Et vous avez moins de retraités en 2061. Bah, vous rebaissez la cotisation de 0,01 point. Puisque chaque fois, vous pouvez fidèlement honorer tous les salarié, puisque c'est en temps réel. C'est versé de celui qui travaille à celui qui ne travaille pas. La retraite n'est pas une épingle, la retraite n'est pas un impôt. Elle est versée en temps direct, en temps réel, il n'y a aucun risque tant que nous avons ce système-là de répartition. Alors justement, tu m'offres la transition parfaite, parce que c'est un autre argument qu'on entend beaucoup, c'est qu'il n'y a plus assez d'actifs pour payer les retraités. Un jour, je pense que nous serons obligés de travailler plus longtemps, sinon... Agnès Buzyn. Le système par répartition ne pourra pas tenir. 17 mars 2019. Je rappelle que le ratio, c'est-à-dire le nombre d'actifs qui payent les retraites par rapport au nombre de retraités, ne cesse de diminuer. Donc quand il y aura un actif pour deux retraités, les cotisations ne suffiront plus. Ah ben c'est extraordinaire. Il y a eu 850 000 naissances en l'an 2000. 850 000 jusqu'en 2014. Et comme les décès en France sont, malheureusement j'en suis triste, au nombre de 550 000 par an, bah ça fait 300 000 jeunes en plus chaque année qui peuvent travailler, cotiser pour vos retraites. N'ayez pas peur, vous les aurez vos retraites grâce aux jeunes, et les jeunes en auront. Et on nous dira, mais il y a 6 600 000 chômeurs. Mais ils pourraient travailler, ces 6 600 000. Oui, et d'ailleurs, c'est une autre façon de répondre à la question sur il n'y a plus assez d'actifs pour les retraités. C'est-à-dire que non seulement la productivité a explosé, mais si on crée des embauches et qu'on augmente les salaires, et ben on renfloue les caisses de retraite, non? Oui, c'est ça. C'est pour ça que Macron, il fait que des primes, vous avez qu'à remarquer. Il vous dit, j'améliore votre pouvoir d'achat, je vous donne 50 euros là sur le ceci, je vous en laisse ceci là, je vous donne une prime d'activité, je vous calcule que, etc. Parce qu'il ne veut pas augmenter le salaire. Alors que la seule solution, c'est d'augmenter le salaire. Parce que c'est ça qui fait qu'il y a un salaire net avec lequel tout le monde vit tous les jours. Et il y a le salaire brut, et le salaire brut, et ben ça augmente les retraites. Ça fait arriver de l'argent tout de suite pour les hôpitaux, ça fait arriver de l'argent tout de suite pour les maladies, pour les retraités, pour le chômage, et il n'y a plus de problème. Donc il bloque les salaires, et les salaires sont bloqués depuis combien maintenant? 30 ans. 30 ans dans la fonction publique, un point d'indice n'a pas bougé depuis 20 ans. Et donc on est en situation où c'est la clé, augmenter les salaires. On ne veut pas de primes, on ne veut pas d'aumônes, on ne veut pas des aides par-ci, par-là. On veut du salaire pour notre travail, dignement et décemment. Oui, mais Gérard, tu sais très bien que le coup politique, c'est de pouvoir dire, regardez, il y a des trous dans les caisses. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est comme dit Noam Chomsky, comment voulez-vous casser un service public? Commencez par arrêter de le financer, les gens s'en plaindront et demanderont autre chose. Ah, c'est ce qu'ils ont fait, ils prétendent qu'il y a une dette, mais c'est pas un problème de dette, c'est un problème de recettes. La France souffre pas de dette, elle souffre de recettes. Je ne vous parle pas de la fraude fiscale, dont ils n'arrivent même plus à faire rentrer l'argent, là, parce qu'ils ont vidé les contrôleurs et les inspecteurs chargés de le faire rentrer. Donc en vérité, tout ça, c'est organisé. Ne croyez pas une seule seconde. Ce gouvernement ment tout le temps. Quand vous l'entendez dire quelque chose, entendez le contraire de ce qu'il dit, vous serez proche de la vérité. Il y a autre chose qu'on peut dire sur ce projet, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Bon, c'est une réforme du mode de calcul, maintenant c'est des points, ça change pas grand-chose au fond. » Alors qu'en fait, l'objectif derrière, c'est de nous emmener vers la capitalisation, c'est fin à la répartition. Il y a un article qui est sorti lundi, là, dans l'UMA de lundi, qui prend les exemples de tous les pays qui sont passés au système par points. Allemagne, États-Unis, Suède... Partout, c'est la même chose. On constate que le point, la valeur n'est pas définie, qu'elle ne fait que baisser, et que du coup, les États sont obligés de voter des lois qui proposent des complémentaires obligatoires et privées et financiarisées. C'est ça le coup politique qui est derrière. C'est un cas d'école, c'est vraiment, on sait comment ça va se passer, c'est pour aller vers la capitalisation. Ils ne peuvent pas supporter que les 300 milliards de nos retraites leur échappent. Elles ne passent pas par eux. Comme je l'ai dit, c'est pas une caisse d'épargne. Elles ne passent pas par eux. Elles vont de celui qui travaille à celui qui ne travaille plus. Donc ça leur échappe, 300 milliards. Donc le but, c'est de mettre la main dessus. C'est que ça passe nécessairement par eux et qu'ils fassent évidemment le plus grand nombre de marges dessus. Et c'est ce qui se passait avant qu'on fonde les caisses de retraite, d'ailleurs. Hein. Exactement. C'est un grand retour au début du 20e ou au 19e siècle. 19e siècle, oui, bien sûr. Mais Macron, de façon générale, veut supprimer les cotisations sociales. C'est dans la seule phrase de supprimer les cotisations sociales, vous avez en France la plus grande contre-révolution antisociale qui puisse s'opérer. D'accord ? C'est-à-dire c'est la fin du système qui nous protège, c'est la fin des 800 milliards. Il construira des porte-avions nucléaires à la place de nos hôpitaux. Rencontre autour du feu. Alors, une rencontre avec deux jeunes filles. Une qui a 19 ans et qui s'appelle Maria. Bonjour Maria, tu parles français? Oui, bonjour. Voilà. Je m'appelle Maria. Et alors, Anna, qui, elle, ne parle pas français, et donc Maria va traduire. Bonjour. Hello. Anna. Micro ouvert. Bonjour. Yeah. Et ben voilà, l'idée, c'est d'essayer d'un peu vous rencontrer. Vous avez fait... T'habites les Pays-Bas ? Oui, maintenant j'habite aux Pays-Bas il y a 2 mois. Avant de ça, j'habitais au Danemark et avant en Pologne. Ouais. T'as bougé quoi du coup ? Oui, j'ai beaucoup bougé. C'est très. J'ai vécu un an en France aussi. Du coup, c'est un sentiment un peu bizarre parce que je sais pas vraiment d'où je viens. De Pologne ? Ouais, de Pologne, mais en même temps, je me sens pas aussi connectée aux gens de Pologne que j'aimerais. Parce que j'ai vécu, j'avais 8 ans quand je suis partie, du coup, j'ai pas eu cette expérience de vraiment vivre avec les gens de Pologne, de sentir la culture. Tu as de la famille encore là-bas ? Oui, mon père, il habite là-bas avec sa femme, donc je viens visiter souvent, mais c'est plus la même chose. Je suis vraiment quelqu'un qui visite, je suis pas chez moi. C'est clair. Et tu parles polonais ? Oui. T'as quitté à l'âge de 8 ans et tu sais pourquoi t'as quitté la Pologne ? J'ai quitté avec ma mère qui a eu du travail, elle est médecin et... Les médecins en Pologne, les conditions de travail sont moins bien qu'au Danemark. Donc, d'accord. On a déménagé. D'accord. Voilà. Et alors, Anna, toi, si j'ai bien compris, tu viens de Russie. Ton origine, elle est de la Russie, c'est ça ? Yeah, so if I understood correctly, you come from Russia. Yes, so I was originally born in Russia, but then when I was young, my whole family moved to the United States. Mm-hmm. And so my little sister was born in the United States, but I have a dual citizenship now. Donc, elle est russe, mais elle a déménagé aux États-Unis quand elle était petite. Quel âge? How old were you? I was 2. Elle avait 2 ans. Avec sa famille. Maintenant, sa famille habite à Washington, D.C. Elle est revenue visiter quand elle avait 10 ans la dernière fois, mais elle a une double nationalité. Okay. Et pourquoi ? Why ? Mm-hmm. Pourquoi elle a quitté la Russie ? Why did you leave Russia ? Donc son père, il a eu du travail, il fait programming, c'est l'informaticien, et c'était une vraie opportunité parce que c'était avec le visa et tout, et il pouvait emmener la famille, donc ils ont décidé de faire ça. Washington. Ouais. Washington alors, tu habites. You live in Washington. I live actually in Maryland, right outside Washington, D.C. Mm. It's the suburbs around it. C'est juste en dehors de Washington, en Maryland. Mais oui. D'accord. Et donc, vous deux, vous vous rencontrez il n'y a pas tellement longtemps. Non. Et tu dans une école, alors, c'est ça tu... Oui, dans notre université. Mais en fait, c'est marrant parce qu'on se connaît depuis, je pense, une semaine. It's about like how long we've known each other. Oh yeah. Parce que en fait, j'avais décidé déjà de faire le vélo, le voyage en vélo moi-même. Ouais. Oui, le voyage en vélo. Il faut expliquer que on est en Belgique. Oui, c'est vrai. Hein, on explique. Bon, on est en voyage de Maastricht. On va à Paris. Maintenant, c'est notre premier arrêt. On est juste en dehors de Namur. Donc oui, j'ai décidé de faire ce voyage il y a peut-être 3 semaines. Et puis j'ai écrit sur les réseaux sociaux de mon université où j'ai demandé un peu les gens s'ils connaissent la Belgique ou par où aller et aussi si je peux m'arrêter avec quelqu'un, chez quelqu'un. Et j'ai eu un message de Anas qui voulait venir avec moi. Ici présente. Ici présente, voilà. Et donc, on s'est parlé très vite fait. On a décidé, OK, on va essayer. Donc, c'est vraiment une grande expérience, quoi. On ne sait pas vraiment... On ne savait pas vraiment comment ça va aller, mais ça marche pour l'instant. Oui, ce qui est génial quand on est jeune comme ça, comme vous, c'est genre, allez hop, je pars, et même avec quelqu'un que je ne connais pas beaucoup. Ouais. Traduit pour... So, what's really interesting, very special when you're young, is that you can be spontaneous like that, you can just leave, and even with someone you don't really know. Elle a quelque chose à dire avec ce que tu viens de dire? Do you have anything to say for that? Like a comment? Donc, en premier, c'est also, yeah, vraiment chouette like, que qu'on peut avoir des vacances like, scolaires, parce que pendant les vacances, on apprend aussi beaucoup de trucs en dehors de... À l'université, on n'apprend pas forcément. Et aussi, que quand on est jeune, c'est vrai que on peut partir quelque part, rencontrer des gens, on se connaît depuis un soir, mais c'est cool, et, on est ensemble, c'est très spontané comme ça, c'est vraiment chouette. Je ne sais pas si on l'a dit, mais tu as 19 ans toi, Maria? Oui, j'ai 19 ans. Et Anna, 21. 21, oui, c'est vrai. C'est génial, c'est le tout début, enfin non, c'est le début un peu de se lancer dans la vie... où on est autonome comme ça, où on peut faire encore un peu ce qu'on veut, non ? On découvre plein de choses aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. We're so young that it's kind of the time where you really discover, you know, being autonomous and being yourself and trying different things. Pour moi, c'est vraiment aussi le fait de... C'est le moment pour moi où j'essaie un peu de retrouver ce qui m'intéresse vraiment et qui je voudrais être comme personne. C'est pour ça que les voyages comme ça aussi, qu'on est à vélo, on rencontre des gens sur le chemin, ça m'apprend beaucoup, je trouve, parce que c'est des gens très, très différents qu'on rencontre et des types de vie très différents que... à ce que je suis habituée de chez moi. Et quoi, c'est le premier voyage à vélo longue distance comme ça que tu fais? Oui, longue distance à vélo, oui, mais cet été j'ai fait le Camino de Santiago. J'ai fait le Camino del Norte, donc par le nord de l'Espagne. Et ça, pour moi, c'était vraiment c'était une expérience qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et c'était vraiment super. Et c'est aussi pour ça que ça fait 2 mois maintenant que j'ai fini. Et depuis là, quand je savais que j'avais des vacances, je voulais faire un truc comme ça maintenant à vélo. Ouais. Et toi, Anna, à part le voyage que tu as fait ici, Maastricht, Belgique, pour aller jusqu'à Paris, tu as fait d'autres voyages? Have you, except for this trip, have you done other like long? Have you made other trips or other travels? Yeah, so I think the closest thing I've done to this is when I went to Iceland. Donc elle a fait un voyage en Islande avec une copine. Elles ont fait du camping. Pour la nuit, et pour voyager, ils ont fait l'autostop, parce qu'en Islande, en fait, ça marche très bien, c'est pas très dangereux, et du coup, c'était vraiment une expérience où c'était pas très civilisé, quoi. Il n'y avait pas vraiment l'opportunité de prendre la douche, trucs comme ça. Et tu aimais bien, Anna? Tu aimais bien ça? Did you like that? It was a lot of fun, so yes, but then wet wipes helped. Hein? Wet wipes, like washcloths, yeah. Ouais, c'était très amusant. Après, c'était pas super pratique d'utiliser les... comment ça s'appelle le wet wipes, le papier... papier toilette? Ouais, on peut, comme ça. Ok. Mais à part de ça, c'était cool. Et c'est de ça qu'on se souvient. Mais quoi, donc... vous, vos grands voyages, c'est les chemins de Compostelle, on dit, hein, et l'Islande, quoi. À part ça, pas d'autres voyages. Non, pas vraiment. J'ai aussi, j'étais bénévole en Suède pendant un mois. Dans quoi ? C'était pour une artiste. C'était pour une artiste qui faisait des grandes installations. Elle avait besoin d'aide. Et c'était dans le nord de la Suède. Et donc, l'art, ça m'intéresse. Je peins un peu moi-même. Et j'avais du temps pendant l'été. Donc, je suis partie. C'était moi et un Italien qui voyageait partout dans la Suède depuis un moment déjà. On travaillait ensemble pendant un mois. Mais c'était un voyage aussi parce que je rencontrais des nouveaux gens tous les jours. C'était une culture différente. Donc, c'est ça mes deux grands voyages, en fait, que j'ai fait moi-même. D'accord. Ah oui, toi-même, mais sinon avec tes parents, t'as déjà... Enfin, du coup, avec ta mère, t'as beaucoup... on a compris que t'habitais à plusieurs endroits. Ouais. Mais sinon, voyager comme ça, découvrir d'autres... Tu faisais ça avec ta mère ou bien pas spécialement? Je pense que c'est un différent type de voyage, parce qu'avec ma mère, c'était plutôt... Je partais pas pour rencontrer des gens et pour voir la culture, c'était plutôt pour... Enfin, ouais, voilà. C'était vraiment le tourisme, c'était pas un voyage. Et donc, j'ai vraiment découvert ça quand je suis partie toute seule. D'accord. Et voilà. Tu poses la même question, Anna, entre les voyages qu'elle a fait seule... Et les voyages qu'elle a fait, par exemple, avec ses parents, plus dans le tourisme, alors. So we were talking about the difference between traveling and being a tourist. Mm. And so she asked kind of if Iceland, that was like your one travel, or if you have others, or if you also have thoughts about the difference between tourism and travel. And... That's such a good question, because I'm from Washington, D.C., and we get tourists, not travelers. Like, they come and see the museums and leave, and that's all they really do in the city. I feel like... C'est vraiment la différence between like, entre le voyage et le tourisme. So, like, ça se voit vraiment en Washington, parce que là, il n'y a pas de voyageurs, il y a des touristes. Il y en a beaucoup. Et donc, elle a aussi dit que pour ses expériences à elle, elle pense que le temps qu'elle a vraiment voyagé, c'était quand elle est partie voir des amis dans les différents états des États-Unis, où elle restait vraiment chez les familles. Et elle sentait enfin la culture de l'état, mais aussi de la famille. Que c'est ça qu'on a vraiment l'expérience de voyager, qu'on rencontre vraiment les gens. En fait, si je vous pose cette question, c'est pour voir si vous avez un peu l'habitude comme ça de voyager, de rencontrer les autres, etc. Tu vois, c'est pas simplement du voyage de tourisme comme on fait en période de grandes vacances, surtout vous qui allez à l'école, où du coup, il y a 2 mois de vacances et voilà. C'était ça que j'avais envie. Tu traduis pour. So mostly the question was to kind of see how we if we're used to, you know, the I guess traveling and meeting people and stuff. Je dis ça parce que aussi il y a des gens qui voyagent pas. Il y a une jeunesse qui a pas les moyens de voyager, par exemple. Je sais pas si vous êtes sensible à ça ou si vous êtes consciente de ça. Un des raisons pourquoi je on est à vélo, c'est que on n'a pas vraiment des moyens de faire un grand voyage maintenant en Islande, par exemple. Donc on va en France, qui est à peu près, enfin c'est pas très loin, et on va à vélo. Moi, quand j'étais bénévole aussi, je payais pas pour ça, donc c'était un voyage où mon moyen de payer c'était de faire 5-6 heures de travail tous les jours. Mais t'as quand même la culture, du voyage, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est par vrai. Rapport à une jeunesse, par exemple, qui peut pas le faire, par exemple. Ou même les barrières mentales, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Je sais pas, je pense peut-être que le fait que j'ai déjà beaucoup bougé dans ma vie, enfin avec mes parents, de l'un pays à l'autre, que dans ma tête c'était toujours normal qu'on peut partir un autre pays. Voilà. Tu poses la question, réduis-la, hein, genre là, que Anna, toi aussi, t'as une espèce de culture quand même du voyage ou pas? Est-ce qu'elle est consciente qu'il y a des jeunes, par exemple, qui ne voyagent pas, pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais parce qu'ils n'ont pas la culture, quoi? That's a good question, because I think language barriers are huge, so just having a second language, no matter what the language is, opens your worldview a bit. I mean, in the US, elle a dit que c'était une bonne question. Ouais. Elle a dit que c'était une bonne question. Surtout parce que aux États-Unis, il y a à peu près 40% de personnes qui n'ont pas de passeport. C'est un très grand pays, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens là-bas qui n'ont pas du tout l'esprit de voyager, qui ne pensent pas vraiment à ça. Mais elle dit que juste le fait de visiter quelqu'un d'autre, qui peut-être vit pas très loin de chez toi, mais de voir leur culture, ça commence à t'ouvrir l'esprit. Et comme ça, on peut aller de plus en plus loin. Et que c'est en fait, c'est ça de voyager. Donc c'est ça qu'on apprend. Ok. Et du coup, j'avais envie d'aborder aussi les choses. Mais vous aussi, hein, vous pouvez vous pouvez dire des choses spontanément, hein, si vous avez envie de parler. Vous avez envie de parler de quelque chose, tu peux dire. Hein. We can say something spontaneously too, just, you know, if we want to talk about something, we can talk about it. Moi, j'avais envie de poser la question. Tiens, on parle du climat, de la jeunesse, aussi peut-être. Aux États-Unis. Donc, une jeunesse qui va dans les rues, est-ce que vous êtes au courant de ça, qui manifeste et tout ça pour changer la donne? Moi-même, j'étais une partie d'un protest pour le climat il y a à peu près un mois, je crois. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très. On l'entend de plus en plus. Et je pense que c'est important. Je pense que la jeunesse, ça a toujours été un peu des personnes qui l'ont d'énergie et l'idéalisme pour commencer une révolution comme ça. Parce qu'on veut du changement et on a des idées très. Voilà. Et Anna, alors, c'est Washington? Comment ça se passe là-bas? Quelle est sa vision? So Washington DC gets all the protests, and that's fun. I think it's because there's so many discrepancies donc, between what like. Il dit que à Washington DC il y a beaucoup de protestes comme ça, surtout parce que enfin c'est vraiment c'est l'endroit où habite le président. Il dit que une grande raison pour ça c'est que il y a une grande différence entre ce qu'ils font ce qui fait le président, ce qui font les gens qui ont le pouvoir et ceux qui veulent les gens et surtout les jeunes, parce que pour nous, pour notre génération, c'est important, on pense un peu à notre futur. Et donc, on a vraiment le sentiment que les gens qui ont le pouvoir, ils ne représentent pas ce qui est important pour nous. Et puis oui, vous les jeunes et les adultes aussi quelque part, hein, les gens en fait, ouais. Les gens qui comme Trump au pouvoir ou comme en France ailleurs, c'est tous des industriels qui font le business et qui polluent, etc. Et aujourd'hui, en tout cas, les jeunes sont dans la rue, quoi. Voilà, ils disent qu'ils sont pas contents, qu'ils veulent changer la chose. Est-ce que tu crois que c'est possible qu'ils changent les choses avec une Greta Thunberg, par exemple? Tu la vois comment, elle, par exemple? Je pense que elle, je pense que les mouvements comme ça, les mouvements sociaux sont très importants et je pense qu'elle a joué un grand rôle de, pour un peu pour donner le sentiment à des autres jeunes qu'eux aussi ils ont le pouvoir de faire quelque chose pour faire des trucs pour se battre à ce qu'on croit et ouais, mais je trouve ça très frustrant quand le politicien il parle de elle qu'elle a pas de solution, mais c'est pas sa rôle d'avoir des solutions, c'est son rôle de dire que il y a quelque chose qui va pas. Après moi je suis pas sûre auquel si on pourra vraiment faire un changement comme ça, enfin parce que c'est beaucoup de changements qu'il faut et dans le monde enfin politique très compliqué on a l'impression que enfin oui on dit des trucs et ils nous entendent mais c'est pas assez, ça suffit pas. Anna tout à l'heure elle parlait aussi de le climat, le truc du climat qu'on a fait à Paris enfin 2015 à l'ONU, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais que on dit que c'est le plus grand décision prise par l'ONU, c'est le plus grand succès, mais en fait ça, on a l'impression que ça marche pas beaucoup, donc c'est frustrant. C'est frustrant. Et quoi, et du coup, tu vois ton avenir comment dans tout ça? Est-ce que c'est relié vraiment à ta vie de tous les jours ou bien tu le regardes lointain ou comment est-ce que tu vois la chose? C'est sûr que je me sens pas du tout certaine à comment ça va être. Je me sens pas à l'aise pour penser à ma vie dans 30 ans. Sûrement, une partie de ça, c'est pas que le climat, c'est d'autres choses aussi. C'est juste le fait que je connais pas beaucoup le monde, je connais pas beaucoup moi-même. Donc, je suis pas prête à penser à ça. Mais une partie de ça, c'est aussi le fait que je sais pas comment... on est plus sûr comment... Si on aura une terre et un monde stable qui... continuera à exister comme on le connaît maintenant. Et Anna, elle se voit comment avec les manifestations climat et tout ça, comment elle voit son futur, comment elle se sent dans ce monde? I think the protests are good. I think they're necessary more than that. Because like I said, there's just like a giant discrepancy. Donc elle dit que tout d'abord que elle est d'accord que les protestes, des trucs comme ça, c'est nécessaire parce que enfin c'est notre moyen à dire que il y a quelque chose qui doit changer. Elle dit aussi que chez elle sent déjà la différence entre les climats, comment c'était avant et comment c'est maintenant, que il y a pas des saisons comme avant. Il n'y a que l'été et l'hiver, il y a des jours très très chauds et les jours très froids. Ici aussi en Belgique, il y a. Also in Belgium. Et puis elle dit qu'elle pense que pour elle, ça va aller parce qu'elle est dans une situation économique assez stable. Mais elle s'inquiète beaucoup pour les gens qui... peut-être qu'ils habitent dans les endroits qui vont bientôt être sous l'eau. Et c'est surtout ça qui nous concerne aussi. Oui, c'est pas toujours facile de parler à deux jeunes filles de 19 et 21 ans. Comment vous voyez le monde, tu vois? Moi, j'ai déjà un bagage de vieille... Tu vois, donc c'est difficile des fois de poser des questions. Comment... Oui, j'aimerais bien, tu sais, poser le micro et dire, vas-y, explique-moi comment tu vois le monde, quoi. Mais qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans la vie, Maria? Moi, je pense que c'est les gens. c'est comment on pense et comment ça forme des structures sociales, comme la politique par exemple. J'ai parti pour étudier les relations internationales. Je suis pas sûre que si je vais finir par faire ça, mais peut-être la sociologie. Mais enfin, ce qui m'intéresse, c'est les décisions qui prend les gens et aussi de voir que, par exemple, on est chez vous maintenant, on voit vraiment votre hospitalité et nous, on n'a rien fait. C'est vraiment, on voit qu'il y a quelque chose que la plupart des gens, ils veulent aider. Ils veulent être plus près de l'un à l'autre. Mais en même temps, aujourd'hui, je pense, surtout dans les... Dans les pays de Scandinavie, par exemple, où moi j'habitais, on sent que de plus en plus de gens, ils se sentent seuls. Par exemple, y a des c'est des choses comme ça qui m'intéressent. C'est comment faire pour qu'on se sente plus comme si on est ensemble. Parce qu'on a des réseaux sociaux, tout ça, mais en fait, ça aide pas du tout. Ouais, je pense que dans les derniers mois, c'est ça qui m'intéresse le plus. Toi, tu as choisi philosophie, relations internationales. Ouais, ça veut dire quoi exactement, ça? C'est les relations entre les pays, en fait. Mais c'est relations économiques, politiques, sociales? Ce qui m'intéresse, c'était... je pensais politique avant, mais maintenant je change un peu. Je pense que c'est plutôt... Je voudrais plutôt regarder les relations sociales, et peut-être aussi pas dans la grande échelle des relations internationales, mais peut-être, ouais, même la psychologie, de vraiment regarder plus près comment fonctionnent les communautés. Et je suis pas sûre pour l'instant. La philosophie, ça m'intéresse aussi. On a dans notre université, on a le droit de choisir les cours. Anna, elle fait la même chose elle fait la même université que moi. On peut choisir ce qui nous intéresse, puis faire ça pendant 2 mois et décider si on veut continuer ou pas. C'est pendant la première année, après il faut décider. Mais ça me donne un peu de flexibilité. Même question pour Anna, c'est-à-dire, c'est ce que je disais au début, c'est difficile avec deux jeunes filles, 19-21, comment vous voyez le monde, qu'est-ce qu'elle a envie de faire plus tard, comment elle se projette Well, I think you were talking about your Du coup, Anna, elle a commencé par étudier la biologie parce que ce qui l'intéressait, c'était un peu les systèmes qui font que les organismes peuvent exister, par exemple. Donc, elle pensait au début qu'elle voulait faire les recherches et vraiment faire les trucs très techniques. Elle change un peu après 3 ans de la biologie, elle change un peu la vie. Elle pense qu'elle va peut-être faire un peu de statistiques pour pouvoir... Ah, les statistiques. Pour pouvoir combiner son intérêt pour la biologie et pour... avec pour pouvoir faire les recherches sur des trucs sur les problèmes, le problème social, aussi de problèmes d'environnement, parce que ce qui la concerne, elle a parlé de ça, que moi aussi je trouvais ça intéressant, en fait, que la grande question, c'est aussi comment, avec les talents qu'on a, comment on peut se faire le plus utile pour le monde, comment on peut aider le plus. Et donc, elle pense qu'elle n'est pas vraiment faite pour les recherches, mais elle se sent vraiment capable d'utiliser les statistiques pour voir un peu les avis des gens et pour voir comment mieux s'approcher à des problèmes comme, par exemple, l'environnement. Donc, si je comprends bien, c'est pas l'appât du gain quoi qui vous intéresse. Idéaliste. Ouais, bah, je pense que on a de la chance aussi que on a vraiment grandi dans un environnement où on se sentait jamais c'était jamais la chose la plus importante, c'était jamais de l'argent parce qu'on en avait assez. Très bien dit ça. Non, mais c'est important de le dire, ouais. D'être consciente de ça. Ouais, donc, quand je dis que je suis idéaliste, c'est aussi parce que j'avais l'opportunité de l'être, de penser à d'autres choses que l'argent. Mais comme j'ai eu de la chance de ça, j'aimerais bien utiliser le fait que je pense un peu dans cette manière-là. Ouais. Et Anna, c'est pour rigoler, taquiner, hein. Donc, c'est pas l'argent, ton moteur n'est pas l'argent, mais d'être utile au monde. So, your main like, focus is not money, but rather to be useful to the world. If my main focus was money, I wouldn't have majored in biology. I think the goal is to be stable, is to be able to provide a roof over your head and a mode of transportation and food and donc il dit que si son premier but c'était de l'argent, alors elle aurait pas choisi la biologie. Pourquoi? Parce que elle pouvait être médecin, un truc comme ça, c'est plus les recherches en biologie, je sais pas, ça donne pas. Moi, j'ai l'idée en tête, tu vois, la biologie de la recherche pour trouver le médicament que tu vas faire payer. Enfin, tu vois, genre, vous êtes quand même conscientes toutes les deux qu'on est dans un monde de business tout le temps, quoi. La recherche, par exemple, elle est financée si jamais tu peux vendre une molécule, tu vois, des choses comme ça, quoi. Et d'être consciente, peut-être pose la question, d'être consciente qu'on est quand même dans un monde de business, hein, d'industrie, de monde des affaires, consciente de ça. Et médecin, c'est ringard. Hein. En tout cas, médecin ici en Belgique, mais même en France, c'est galère, ça devient de plus en plus compliqué. Ok, biology gives you plenty of money if you have a PhD. I have a bachelor's, yeah. Ouais, c'est surtout que on est trop jeune pour, enfin, on peut avoir beaucoup de l'argent de la biologie si on fait vraiment le doctorat, tout ça, mais elle pense, elle en est pas encore là, c'est ça que tu veux? Elle en est pas encore là. Oui, mais c'était sur sûr si elle va aller si loin. Oui, mais c'était surtout se poser des questions sur, tiens, vous êtes toute jeune, là, comment vous voyez le monde, donc, quel est... Par exemple, si tu pouvais rêver, tu rêves total, hein, qu'est-ce que tu te vois comment, tu te vois où, tu fais quoi? Dans le rêve, hein, tu réfléchis pas si c'est possible, si c'est pas possible, si tu vas pas oser le dire, évidemment. Rêve total, tu te vois comment? J'aimerais bien écrire. Ouais, j'aimerais bien être écrivaine, je pense, ou peut-être faire la peinture aussi, enfin, vraiment être artiste, peut-être vivre aussi dans une maison comme ça, à la campagne, avec une famille, et puis écrire, être heureuse. Ah. Et pour Anna aussi, tu lui dis bien, rêve total, tu rêves total. Hein. Well, if I were good at gardening and owning animals, I would just wanna own a farm, but donc elle dit que si elle pouvait le faire, si c'était pas si dur physiquement, elle aimerait bien avoir une ferme et juste avoir des animaux et vraiment se supporter de ce qu'elle a dans son jardin. Dans... C'est possible. C'est dur physiquement. Enfin, c'est très possible, hein, ton rêve à toi. Toi aussi d'ailleurs, hein. Bon, après, il y a l'écriture, le talent, vivre de ça, c'est plus compliqué, c'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais encore poser comme question? Ou vous, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, comme ça, spontanément Je sais pas, je pense, aujourd'hui, comme on a passé à peu près 11 heures à vélo, j'ai eu beaucoup de temps pour un peu réfléchir pour pourquoi je le fais. Et aussi, ouais, pourquoi je suis dans cette situation-là. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai senti plus des choses, des vrais sentiments que pendant tous les deux mois d'université qui vient de passer. Parce que je pense que des fois c'est, enfin, j'ai un peu la conclusion que des fois le sentiment d'un peu de danger, que on n'est pas sûr comment ça va aller, de pas pouvoir avoir une planning pour sa vie, pour sa journée. Que des fois c'est important pour se souvenir de ce qui est vraiment important pour toi. Et donc on peut, si on pense à ça on a parlé du climat, des trucs comme ça, peut-être que c'est important aussi de s'habituer, enfin personnellement pour chacun, de s'habituer à penser un peu un jour à la fois, comme ça, je sais pas, pour moi c'était, quand j'ai eu cette idée là, je me suis calmée beaucoup et j'ai continué à faire le vélo, on a fait 30 km sans s'arrêter, c'était bien, ça m'a beaucoup calmée. Oui, ce que tu veux dire c'est que t'es prise, mais aussi les Anna, enfin en gros la jeunesse et nous tous adultes aussi, on est tous dans des agendas, des plannings et des choses comme ça, et que ce que tu veux dire c'est que c'est bien de se faire des plages comme ça où il y a rien, c'est ça? De se détacher de ça, parce que quand on est jeune, j'ai l'impression que beaucoup de temps on passe tout notre temps à se préparer pour le futur, on fait les études, voilà. Et pour les études aussi, on pense comment je vais faire pour finir tout en même temps. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est une sale vie. Ouais, donc... c'est vrai. Et donc, j'étais très fatiguée là. J'étais frustrée parce qu'on ne trouvait pas le chemin. Mais après, je me suis dit, en fait, j'ai pas eu de vrais sentiments comme ça depuis que j'ai commencé à l'université, parce que j'ai passé trop de temps à penser... comment je vais faire, est-ce que c'est bien pour moi les études, voilà, tout ça, les pensées sur le futur. Et aujourd'hui je m'en foutais complètement, je voulais juste être sûre qu'on va arriver. C'est excellent. Ouais. Et moi j'ai pas par rapport à ça, c'est je me posais la même question, voilà. Okay, I guess like thinking about the future, like if you don't think about the future, you're like seen as like a failure, like you have to have a next step. C'est aussi sur le fait spring, qu'on pense toujours summer, à le like, futur, que aujourd'hui on a l'impression like, que si on n'a pas un planning so pour la semaine, time, pour l'année, pour toutes les vacances, enfin c'est vu comme t'as pas contrôle sur ta vie. Contrôle, c'est bien, c'est le bon mot, c'est vrai. Tu dois... Ouais. Ouais, donc c'est juste ça. C'est triste, en fait. Je pense, pour nous, aujourd'hui, c'était la leçon la plus importante. C'était qu'on a passé un jour, on n'a pas du tout pensé à ça. Et en fait, c'est bien, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant. À ne pas oublier, évidemment, la leçon d'aujourd'hui. Ouais. Tu vois, il ne faut pas oublier ça pour... Pour quand vous serez noyé de rendez-vous, de planning, d'examen, c'est vrai que ne rien faire, en tout cas là, bon, c'est pas que vous ne faisiez rien, vous pédaliez quand même, ouais, mais ne rien faire, c'est la base de la créativité, non? Ouais. Non? Oui. Bah, t'es pas d'accord? Tu sais ne rien faire? Oui, non, c'est juste, j'ai jamais pensé à ça dans cette manière-là, mais en fait, je pense que vous avez raison. Ouais. je sais pas, moi j'ai fait beaucoup de peinture, par exemple, mais depuis que j'ai commencé l'université, j'ai pas eu l'idée. Et ça marche jamais comme ça, que je rentre le soir et je me dis, ok, j'ai 2 heures, je vais peindre, non, je peux pas. Et du coup, ça fait un moment que je peins pas, et c'est triste aussi. Allez, dernière question, la même. Alors, Anna, ça t'arrive de ne rien faire? Est-ce que tu te sens à l'aise quand tu ne fais rien? Mais rien, hein? So, I use Google Calendar for everything, and on this exchange semester, it's a very light work. Donc, elle a dit que comme elle est en échange maintenant, elle a beaucoup moins de travail que par rapport à les dernières années à l'université chez elle, aux États-Unis. Elle utilise le calendrier online pour tout. You're really just socializing, or you're cooking, or et du coup, elle regardait de ce qu'elle faisait l'année dernière par rapport à maintenant, et elle était vraiment choquée parce qu'il n'y a pas une heure pendant la journée où on peut faire rien. Donc maintenant, ça aide beaucoup qu'elle est en échange. Il y a moins de travail aussi, elle ne peut pas travailler en dehors de ses études. Du coup, maintenant, ça arrive beaucoup plus souvent qu'elle a rien à faire comme ça, enfin qu'elle fait rien. Elle se sent bien là-dedans, dans le fait de ne rien faire, ou bien c'est l'angoisse tellement, tu vois, on est conditionné, vous êtes conditionné depuis tout petit à devoir faire. Est-ce qu'elle se sent à l'aise là-dedans ou c'est l'angoisse? Do you feel comfortable with sometimes not having anything to do now that your well schedule is a lot less tight, or is it like anguish for you? So on a bad day. Donc elle dit qu'il y a des jours où il y a des mauvais jours où elle stresse tout le temps. Elle dit pourquoi je cherche pas des opportunités partout, pourquoi j'envoie pas des lettres de motivation et tout ça. Mais il y a d'autres jours où elle se calme un peu, elle peut regarder des séries qu'elle voulait regarder depuis longtemps, et elle a commencé à apprendre à coudre aussi, ce qui est bien. Donc je pense qu'elle se sent à l'aise. Ben voilà, on termine. Si vous voyez quelque chose d'important à dire encore pour clôturer. Je pense qu'on a dit tout ce qui était important. If you see anything more important, like anything else to add before we end, something important, then you can say it. I'm just very grateful that you're doing this, because this is really cool. So thank you for having us. Elle dit que surtout merci pour que tu fais ça, que c'est très très chouette, la radio et l'hospitalité. Merci à vous, ça va dans les deux sens. Hein. Et toi, Anna, c'est marrant parce que quand tu es arrivée, c'est genre, je ne parle pas anglais moi, tu ne parles pas français, mais par contre toi, tu parles espagnol, tu parles russe, tu parles anglais. C'est bien ça. If I understood the question. Enfin voilà, il y a pas de question, C'est So when we first arrived, it was like you couldn't communicate, but it's also really impressive that you speak all those languages. Alors c'est rigolo hein, on arrive quand même à communiquer par le biais de Maria qui elle toi tu parles français, mais du coup tu as habité aussi un an en France, c'est ça qui t'a permis? Ouais, j'ai vécu un an à Paris. J'étais étudiante d'échange quand j'avais 16 ans. Et là, j'étais avec une famille. Et maintenant, en fait, à vélo, on va visiter cette famille-là. C'est ça que j'allais demander aussi. Tiens, pourquoi Paris, en fait? Ouais, c'est ma famille, c'est ma famille d'accueil. Mais c'était vraiment une année très importante pour moi. J'avais 16 ans. C'est là qu'on apprend beaucoup. J'ai passé toute l'année avec eux, même Noël, et on est devenus tellement proches que j'essaye d'aller visiter souvent, aussi souvent que je peux. Mais j'imagine quand tu es allée dans cette famille à Paris, dans tes cours, tu avais déjà des cours de français du coup alors. T'as pas appris le français dans cette famille uniquement. Tu as aussi appris le français à l'école, non? Oui, mais c'était... Ouais, j'avais une base. Je comprenais comment marche la grammaire, par exemple. Mais je suis arrivée en France. En fait, je comprenais rien du tout au début. J'étais dans un lycée français aussi. J'étais en première S. Au début, c'était dur parce que je comprenais pas quoi disait la famille ou les gens à l'école. Mais comme ça, on apprend très vite parce que comme j'avais déjà une base de grammaire, les mots, je les entendais tout le temps. C'est comme l'anglais, on l'apprend aussi ici. Et puis du coup, quand tu vas dans le pays, hop, t'es submergé. Ouais. En immersion, comme on dit. Et du coup, bah voilà, tu restes là un an et après un an. Mais toi, tu parles espagnol, Anna. Tu parles russe. Tu parles anglais. Tu parles encore une autre. You speak Russian? Yes. And what else are you learning? I'm learning Dutch, but I'm too embarrassed to use it. Elle apprend néerlandais aussi, comme elle a déménagé à Maastricht. Et toi, tu parles quelle langue alors? Français? Je parle français, polonais, danois, anglais. Et puis, j'aimerais bien apprendre espagnol. J'ai commencé un peu sur le chemin de Compostelle. Fallait communiquer avec des gens, mais je ne suis pas très forte. Non. Bon, ben voilà, en français, merci à vous. Thank you. Et en russe, on dit comment? Merci. Yeah. If I can add... Oh. In Russian, how do you say... Oh, спасибо. Спасибо. Mm-hmm. Oh. If I could add, Maria, you can totally get a job as like a translator at the UN after this. Like, it really worked. Elle dit à moi que après ça, je peux avoir du travail comme l'interprète. Peut-être. Je vais mettre ça sur mon CV. Bonne idée. Merci à vous deux. Hein.